explorer. Parfois, te laisse pas statufier par l'impossible. N'aie pas peur, pas peur de foi, pas peur de ce qui se passe à l'intérieur. N'aie pas peur intérieur. N'aie pas peur de protéger ton intimité. Rien à voir avec ta virilité. De courir après des choses. Des utopies, des idées. N'aie pas peur, sache que le chemin se fait en marchant uniquement. Adversité, t'en auras, tu vas en prendre plein la gueule. T'as peur de t'exposer, de toute façon les vents mauvais. Oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. De frotter au réel tel qu'il se présente. Essayant avec des lézards sournois. Ah, tu sais pas arranger plus tard. y va quand même. On y va à plein fer. Front devant. Plus ou moins en formation. Quelques bulles sont bienvenues pour faire glisser le lézard sournois et mon ami. Quoi? J'en veux pas. J'en ai tellement. J'en prends tellement. Très haute dose. Je comprends pas comment je suis pas diabétique déjà. Je comprends pas. Ça fait des années. Brûle les chandelles, pas de à la main, mal de bobo. Toi aussi, mon frère, tu le sais, tu le sens, mais tu consens. Sister, y'a boiva. Ah! You can. Elle s'appelait Horizon. Comme le parti. Vertical. Longtemps, I restore my rhythmatic system. Thank you. I needed to step on it. I'm so sorry. I needed restoring net grounding. Restoring my rhythmatic system. I drawn you. Jam session. Welcome, Mendex. Restore it. Radio. There's nothing important inside of you. There's nothing important inside of you. C'est ça, tu vois. Toi, ça peut pas te faire, mais je te jure. Mais non. Moi, ça peut pas me le faire. Ah bah, il est parti, Mendex, en plus. Putain, fais chier. Il est parti ? Bah oui, mais on est pas concentré, hein. Mais non, j'ai coupé.